La cérémonie d'ouverture du 5e festival artistique du peuple Printemps d'avril a eu lieu le 10 avril au Grand Théâtre de Pyongyang-Est de la capitale Pyongyang à l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, en présence de Kim Ki-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres intéressés, des festivaliers et des travailleurs de la ville. On a prononcé l'allocution d'ouverture, arboré le drapeau du festival et assisté au spectacle d'ouverture.